L'autre prit le chemin de Beth-Horon et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances ». Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son roc, son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tous les peuples qui étaient avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste des Philistins vint s'établir au passage à Michmash. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. Première vérité, ne tremblons pas devant nos ennemis. Je parle à un frère, écoute-moi bien. Tu as des combats, il y a des gens qui te combattent, ils font une grande coalition, mais tu commences à trembler, tu te dis « je suis seul ». Tu oublies que le Seigneur est avec toi, tu oublies que Jésus est avec toi, tu oublies que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Oui, les anges sont avec toi. Tu ne dois pas avoir peur. Regardez ici, c'est un exemple à ne pas suivre. Les Philistins avaient peur. Les enfants d'Israël avaient peur des Philistins à cause de leur nombre et ils sont partis se cacher. Ne te cache pas devant l'ennemi. Ne tremble pas devant l'ennemi. Vous voyez ici, la Bible dit ici au verset 5, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars, 6000 cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur les bords de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. N'aie pas peur, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur multitude. Israël avait peur parce qu'il a vu des chars des Philistins, il a vu des cavaliers. Et la Bible nous dit au verset 8, les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Ils se cachèrent. Et le verset 7 dit, il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tous les peuples qui se trouvaient auprès de lui tremblaient. Ne tremble pas devant l'ennemi, ne tremble pas devant les petits sorciers, parce que celui qui est en toi, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Deuxième vérité, l'impatience peut nous conduire à commettre des erreurs graves qui peuvent nous coûter. Il faut que nous apprenions à être patients. Mon frère, ma sœur, sois patiente. Pourquoi tu es pressé? Parce que tu dis, je dois me marier. Voilà, mon âge est avancé. Ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. Parce que tu risques de tomber entre les mains d'un monsieur qui est un païen, qui risque de te faire souffrir toute ta vie. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas à l'avance par rapport au temps de Dieu. Ne sois pas aussi en retard par rapport au temps de Dieu. Nous voyons ici une faute grave qui a coûté le poste du roi Saül. Il était impatient. Lui n'était pas un sacrificateur. Il faut que chacun puisse remplir correctement le rôle. Il y a le rôle que Dieu a révolu aux hommes de Dieu, aux pasteurs. L'autre n'est pas pasteur, ne cherche pas à jouer ce rôle-là. Est-ce que tu comprends, ma sœur? Chaque chose a son temps et chaque homme a sa place. Saül, il était roi. Il n'était pas sacrificateur. Il a vu les combats, il a vu les ennemis. Et Samuel lui a demandé d'attendre 7 jours. Mais avant l'arrivée de Samuel, il avait peur. Il a commencé à paniquer. Et il s'est arrogé le droit maintenant d'offrir un holocauste. Cela était réservé seulement aux sacrificateurs. Quand tu le fais, tu commets une faute. Tu commets un péché. Et tu désobéis à l'Éternel. Lisons la parole de Dieu. Il est dit ici, au verset 8, il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Quelle faute grave! Il était impatient. Il fallait qu'il attende Samuel. Quand Dieu te donne une promesse, il faut attendre. Quand tu es pressé, tu risques de commettre des erreurs très graves. Est-ce que tu comprends? Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien. Dieu t'a fait la grâce. Il y a quelqu'un qui se présente pour te prendre comme fiancé. Mais avant le mariage, ne cherche pas à lui donner son corps. Tu vas commettre une erreur très grave. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que s'il te connaît, il va t'épouser? Tu risques de connaître des blessures très graves. Il faut être patient. Il faut attendre les jours du mariage. Avant le mariage, c'est l'impudicité. L'impatience fait que beaucoup de gens ont raté la grâce de Dieu. Ils ont raté la bénédiction divine et ils ont commis des fautes graves. Lorsque Saül a offert l'holocauste, c'est maintenant que Samuel est venu. Samuel lui a posé cette question. Qu'as-tu fait? Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Conséquence. Verset 14. Maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous voyez, c'est à partir de cette erreur que Dieu a déclassé déjà Saül pour choisir quelqu'un d'autre selon son cœur. C'est David. Troisième vérité, l'ennemi cherche à nous empêcher d'utiliser nos armes spirituelles. Nous devons être conscients de cela. En tant que chrétiens, nous devons savoir que nous sommes engagés dans un combat qui est spirituel. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les forteresses. Oui, nous voyons ici l'image des armes spirituelles. La Bible nous dit que les Philistins, ils ont entrepris, ils ont élaboré, ils ont mis sur pied une stratégie pour empêcher les enfants d'Israël d'utiliser leurs armes. Pour qu'ils puissent aller seulement aiguiser leurs lances, aiguiser tout ce qu'ils avaient comme armes chez les Philistins. C'est ainsi que les jours où ils devaient utiliser leurs armes, ils n'avaient pas d'armes. C'était une stratégie de l'ennemi. La Bible dit ceci au verset 19. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer les épées ou des lances. Vous voyez, empêchons-les. Il y a des choses que l'ennemi veut empêcher dans ta vie. Il veut t'empêcher de prier. Tu deviens distrait. Il veut t'empêcher de connaître, de méditer la parole de Dieu. Parce que le diable a peur de la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Il veut t'empêcher d'utiliser le bouclier de la foi. Voilà pourquoi il envoie la peur, il envoie le murmure, il envoie les soucis pour saper ta foi. Nous devons donc utiliser des armes spirituelles contre nos ennemis. Que le Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. gloire à Dieu. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange. Élevons nos voix et bénissons son saint nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 13, versets 1 à 23. C'est votre serviteur au microphone, révérend Dieudonné Ngoumbi, qui vous salue et qui vous sait très nombreux à l'écoute des OSB. Nous encourageons ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp, continuez à partager avec des amis et des connaissances. Nous allons prier le Seigneur, afin qu'il nous donne la maîtrise, que nous ne tremblions pas devant nos ennemis, que nous ne puissions pas paniquer. Les enfants d'Israël ont paniqué quand ils ont vu les chars des Philistins. Tu vas dire, Seigneur, fortifie-moi, en fait que je ne panique pas, que je garde la foi devant mes ennemis et que tu m'accordes la victoire sur eux. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que l'impatience peut nous conduire à commettre des erreurs très graves. Saül, dans son impatience, il s'est arrogé le droit d'offrir l'holocauste alors qu'il n'était pas sacrificateur. C'est à cause de cela que Samuel lui a dit que Dieu l'a rejeté, il a choisi quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, prions pour que Dieu nous donne d'être patients, de savoir attendre le temps de la bénédiction, à ne pas être pressés et que tous ceux qui sont pressés, qui n'ont plus de patience, que Dieu les fortifie, qui les aide à attendre son temps. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Te remercier ce matin, notre Dieu, notre Père, pour la vie que tu nous donnes, ta main qui est posée sur nos vies. Tu nous donnes cette force d'être toujours présent le matin pour prier pour nos auditeurs, ceux qui sont habitués à cette émission. Nous voulons que ta bénédiction se répande sur leur vie, Dieu Tout-Puissant. Mais nous voulons te prier. Humainement, il y a certaines choses qui nous amènent à être impatients, à vivre dans la précipitation, dans la peur. Parce que nous prenons l'âge, parce que nous n'avons pas de travail. Il y a certaines choses qui nous poussent. Nous voulons ressembler à ceux aussi qui ne te connaissent pas, qui passent par des, qui utilisent certains moyens pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir être béni. Mais Seigneur, c'est la patience. C'est la maîtrise de soi devant certaines situations. Nous savons que tu ne viens jamais en retard. Tu n'es jamais pressé. Tu es le Dieu qui agit au moment opportun. Au moment où ta gloire va se manifester. Où l'honneur va te revenir. Pour ne pas que l'honneur revienne au diable, aux hommes. Mais Seigneur, donne-nous la patience, le calme, la tranquillité, le repos. Avoir confiance en toi que tu agis. Nous voulons te prier pour les jeunes gens, pour des célibataires, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui s'attendent à toi. À savoir que quand tu dis, la chose arrive. Tu ordonnes et les choses viennent à l'existence. Oh Dieu Tout-Puissant, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour pouvoir te repentir. Mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'ennemi cherche à nous empêcher d'utiliser nos armes spirituelles. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire toute stratégie de l'ennemi qui cherche à me bloquer, qui cherche à m'empêcher d'utiliser des armes spirituelles et sans effet. Tu vas prier pour que les armes telles que la parole de Dieu, les armes telles que la prière, les armes telles que le bouclier de la foi, les armes telles que la cuirasse de la justice, tu puisses utiliser toutes ces armes-là pour être victorieux sur ton ennemi ou tes ennemis. Prions le Seigneur. À toi, Père éternel, toute la gloire, toute la grandeur, toute la puissance de ton nom que tu nous donnes chaque jour. Ce matin et toutes ces semaines que tu ouvres déjà devant nous, nous pouvons te dire infiniment merci parce qu'il y a des grandes choses que tu as prévues pour nous. Merci, Père, pour les armes que tu nous as données. Tu nous as dit que si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, elles sont efficaces pour renverser tous les raisonnements de l'ennemi. C'est pour cela, ce matin, nous voulons encore nous équiper des armes de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme efficace pour détruire les stratégies de l'ennemi dans notre vie. Nous voulons utiliser aussi les armes du sang de Jésus. Nous voulons utiliser l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, qui est une arme puissante. Nous voulons utiliser toutes les armes énumérées dans Éphésiens 6, à partir du verset 12 à 18, pour arrêter toutes les stratégies de l'ennemi, pour nous garder, pour nous protéger des attaques de l'ennemi. En ce jour béni et tout au long de la semaine et tout au long de ce mois, nous proclamons que par les armes qui sont à notre disposition, nous sommes exemptés de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Par les armes, nous sommes exemptés de toute attaque brusque de mort de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Par les armes, en tant que croyants, en tant que fils du royaume, nous sommes exemptés de toute œuvre de l'ennemi nous empêchant d'entrer dans nos destinées prophétiques au nom de Jésus-Christ. Par les armes que Christ nous a données selon sa parole, nous sommes protégés, nous sommes gardés et nous avançons pour annuler, détruire tous les plans d'ennemis, afin que nous récupérons tout ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui, tout au long de la semaine et dans ce mois. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, nous ferons des exploits avec ces armes et nous écrasons nos ennemis. Béni sois-tu pour cette victoire que tu nous accordes. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. La puissance, par son bras puissant.